T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. I saw you down across the water. In his trees, the town. What a story they could tell. Another day with no expectations. Believe we are as monsters. KLSU. Une heure au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, enfin bonjour, on pourrait presque dire bonsoir, il est 17h mais il fait déjà noir, on arrive dans les plus courtes journées de l'année. C'est Planète Indie comme chaque premier samedi du mois, c'est aujourd'hui l'épisode numéro 367 et puis c'est notre dernier rendez-vous pour cette année 2015, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Si vous nous êtes fidèles, eh bien depuis, si vous nous êtes fidèles chaque mois, vous savez qu'on vous a proposé, qu'on va vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. On aura encore évidemment pas mal de nouveautés, des artistes qu'on n'a encore jamais entendus. Allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, on écoutera DSMGN, Nyad Diakodes, Len Klingerman et bien d'autres. Et on va commencer avec un artiste, il est russe, il vit à Boston si je ne m'abuse. On l'avait découvert l'année dernière avec son groupe Rigel. Il s'appelle Robert Buczynski. Et il sort son premier album solo, on va dire. L'album s'intitule Life in a Cold Frame. Et j'ai choisi de vous passer l'extrait numéro 3. Ça s'intitule Lady Bitter. Et puis après, une autre nouveauté, ce sera Mike Severinson avec le morceau Again. Voilà, restez bien branchés. Nous sommes ensemble jusque 18h30 et c'est comme ça chaque premier samedi du mois. Voilà, s'il veut bien partir, il est un peu capricieux là. On sent que c'est la fin de l'année pour tout le monde. Hi, I'm Robert Buczynski from Rigel. You are listening to Planet In, the leading European independent radio show. Like to think that you're the only one who's ever faced a dark day underneath a black sun, spewing your venom and your vitriol, a federal case built from anything trivial. Lady Bitter, I'm so sorry that you turned out this way. Lady Bitter, yourself with how you betray. You just don't get it now, you just don't get it. You like to treat others with derision, another form of self-doubt causing my sympathy, all the while still high on all your gilded mimicry. Lady Bitter, you may have won the battle, but you lost the war. Lady Bitter, a war that just isn't worth fighting anymore. You're so pathetic now, you're so pathetic now. Everyone around you for your poor choices, for your misfortune. You think you're perfect, oblivious to your flaws, a never-ending cycle where it's never your fault. Lady Bitter, I am so sorry that you've gone astray. Lady Bitter, only hurt yourself, not those you chase away. Lady Bitter, I'm so sorry that you turned out this way. Lady Bitter, you only hurt yourself with how you betray. So just forget it now, just forget it now. I'm sorry. with me. Rub me wrong, I'll throw you over easily. Lost at the very thought of me. I may be a villain, but I miss my children. Watching all the ships, watching all the ships, watching all the ships, watching all the ships, watching all the ships, watching all the ships, watching all the ships, watching all the ships. Voilà, à l'instant dans vos oreilles, c'était, et dans nos oreilles aussi, c'était Ridley Wolf, une autre nouveauté. On les écoutait avec le morceau Kid. Avant cela, c'était Mike Severinson et un morceau intitulé Again. Et puis, je vous rappelle qu'on a commencé cette émission avec un extrait du nouvel album solo de Robert Buchinski, un album dont on a extrait le morceau Lady Bitter. Nous sommes le 5 décembre, il ne faut pas oublier non plus les enfants sages, puisque demain c'est la Saint-Nicolas. On va remercier Saint-Nicolas qui est passé au studio aussi pour les animateurs de la radio. On est bien contents, ça fait plaisir de temps en temps. Et puis, eh bien vous, j'espère qu'il passera pour vous aussi. Notre cadeau à nous de Saint-Nicolas, c'est la musique. Et on continue donc avec de la bonne musique. On va partir du côté de l'Est avec un artiste tout d'abord ukrainien. Il s'appelle DSMGN, Can't You See That You Are Killing Me. Et puis après, ce sera une chanteuse russe, Nadia Kodz, Place in... Non, elle est ukrainienne aussi, pardon, je vous dis des bêtises. Elle est ukrainienne aussi, Nadia Kodz, Place in My Heart. Et puis après cela, il sera temps de partir à la découverte de notre album Powerplay. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Time passes by so fast for you. crept into my life, but everything can change tonight inside the screen. Can't you see that you are killing me? Love turned to hate inside your eyes, little girl. Let the world just fade away. No feeling left to move yourself tonight, I know. Please stay with me, I'll wait for you. So many things were left unsaid until today. And you'll never know. Yeah, there's a place in my heart that is sacred. It's sacred. Who am I? I think I know that my soul is old and out of control. Yeah, there's a place in my heart that is taken. It's taken. But I inside, I know you care, but there's a place in my heart that shouldn't be awakened. Yeah, tell me that I have a right to be someone in this life, invisible for some and precious for others. But I s'appelle donc Nadia Codes et elle nous interprétait Place in My Heart. Et si ça vous intéresse, elle n'a pas de label, elle n'est pas signée. Donc voilà un artiste qui mérite qu'on s'y attarde. Avant cela, c'était DSMGN, Can't You See That You Are Killing Me. Il est temps maintenant de passer à la découverte de notre album Powerplay. Et aujourd'hui, il s'agit du groupe canadien White Horse, un groupe de folk rock qui est basé à Hamilton, dans l'Ontario. Il s'agit d'un duo composé de Luc Doucet et Melissa McLelland. Bah oui, ils sont rien que deux. On va vous parler un peu plus longuement de leur petite histoire. Sachez simplement que Luc et Melissa se connaissaient très bien avant de décider de joindre leurs forces sous la bannière de White Horse, puisque eh bien, non seulement ils étaient mari et femme, bah oui, ça aide à se connaître, mais ils sont tous les deux des artistes et des artistes musiciens. Ils avaient tous les deux leur petite carrière. Enfin, quand je dis petite, c'est pas péjoratif, hein, parce qu'ils avaient leur petit succès au Canada, l'un l'autre, et ils ont décidé eh bien, de mettre un peu de côté leur carrière solo pour se lancer dans une aventure en commun. Et c'est vrai qu'ils avaient déjà ça faisait du sens, puisque ils tournaient bien souvent l'un avec l'autre quand c'était bien le premier qui chantait, l'autre l'accompagnait pour faire la musique, et vice versa. L'album s'intitule Leave No Bridge Unattended, je pense que je l'ai déjà dit. On va en écouter un premier extrait. Cet extrait s'intitule Sweet Disaster. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Enough to the rhythm of solitude, ashes to ashes. Harris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Sheila from Dalla, and you're listening to Planet Indie. I am a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of woe, and there's no sickness, toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to meet my brother from that. Looking for a brighter day. And I don't wear a crown of glory. I don't wear a golden ring. I am released from ancient vigil. And I will raise my voice to sing. I'm going there to see my sister. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only just before me, no more to dream, no more to sleep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me at the gate. I'm only going over Jordan. Be it soon or be it late. One of these mornings, and it won't be long, a man will arise, stand side by side, then hand in hand we'll stand together. Vibrations calling all mankind. I'm going there to meet my brothers, and from that land we'll find a way. I'm just a poor wayfaring stranger looking for au bout. Elle est blonde comme une suédoise, ce qui est un peu logique puisqu'elle est suédoise. Elle s'appelle Len Klingaman. On écoutait un extrait de son album The Heart is the Hunter. Le morceau s'intitulait Wayfaring Stranger. Au cas où vous ne l'auriez pas, je ne vais pas dire reconnu parce que c'est la première fois qu'on l'entend, mais découvert en écoutant les paroles. Allez, d'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay. C'est vrai qu'il est déjà 17h30, on est déjà au tiers de cette émission. Ça passe à une vitesse VV'. Je vous rappelle, vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 367. Et puis aussi, nous serons rediffusés demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Je vous propose de poursuivre avec un style un peu différent. Il s'appelle Dubsy. Il est featuring Dumbo. On parlait de Lady Beater, maintenant c'est la Queen qui est Beater, Beater Queen, Dubsy, et puis après on écoutera le groupe Stalin avec Junkie Brigade. C'est parti. J'ai oublié de vous dire que le Dubsy là, il vient d'Égypte, comme quoi on voyage aujourd'hui, hein. Sometimes it's hard to make up for these moments. Wise words got me hoping and my mind remains as potent, and my rhymes keep on flowing like they floating on waves, cutting through these high barriers like I'm rolling on blades. Tough to balance out between the work and the play. My conscience saying, hey, don't go blow it away. Them bitches never stay, they want all that they can take. So don't waste your life away with the wanted life mistakes. I already fell in love twice, tried to love life, had the love fights, and best believe I paid the love price. Wasting my time and my money's kinda funny, all the honeys looking yummy for the dummy. So I learned fast, reminiscing on my past. If a chick was easy ass, then that shit would never last. So from now I choose the past, have it trash up in the bag. Keep on living with my swag till I find that girl with class. Don't try to control me, baby. Don't try to control me, baby. Ooh, you must be out of your mind. Don't try to control me, baby. Don't try to control me, baby. Ooh, you must be out of your mind. Be the queens on the scene, come to little dreams. Should've let her been, but she Billie Jean did bewitch me, and then it seems she got the enemy. She shot the inner piece, the centerpiece of my being, that left me stuck in the darkness and off a cliff with no harness. She let me go, she wanna stay together, but yet we worlds apart. She wanna be my lover, instead she stole my heart. And so she tried, honey, look in both these eyes and realize what I'm trying to visualize. Rapping for ya, I'm caught up in this foyer. Let me tell the story for ya, the story for ya. Until you feel my storm and the heavy wind come, we can never change what's already been done. Take your songs, I regretfully can sing none. Move along, ain't no king for your kingdom, bitch. Don't try to control me, baby. Don't try to control me, baby. Ooh, you must be out of your mind. Don't try to control me, baby. Don't try to control me, baby. Out of your mind, you must be out of your mind. On pourrait dire que ça dépote le groupe Staline. Oui, lui aussi il dépotait. Voilà, elle est faite celle-là. Staline avec Junkie Brigade. Avant cela, Dubsy, originaire d'Égypte. On l'écoutait avec Bitter Queen. Une autre nouveauté, Glamour Assassins, The Day Rock'n'Roll Died. C'est aussi quelque chose qu'on entend pour la première fois dans Planet Indie. Dans nos oreilles, c'était le groupe Glamour Assassins, The Day Rock'n'Roll Died. Bah, je pense que ce day ce jour-là n'est pas encore arrivé. C'est tant mieux. Retour sur la découverte de notre album Powerplay. Je vous rappelle qu'il s'agit du groupe canadien White Horse avec leur album Leave No Bridge Unburned. Ils ont sorti un premier album en 2012 qui s'appelait The Fate of the World Depends on This Kiss. Cet album a gagné la même année le Adult Alternative Recording of the Year au Hamilton Music Awards. Et ils ont un peu fait des mathématiques pour ce nouvel album. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un duo. Et bien, pour ce duo, ils se sont un peu... je mélange tout là, c'est à la fin de l'année. On commence à être fatigué. Pour cet album, ce second album, et bien, ils ont un peu donc joué avec les maths puisqu'ils ont engagé le producteur Gus Van Go pour faire cet album. Ils se sont en fait rencontrés en 2013 au Polaris Music Prize Gala. Au cours de ce gala, donc White Horse jouait et a donné un petit concert parce qu'il faisait partie des derniers nominés pour le prix justement pour cet album The Fate of the World Depends on This Kiss. Donc ils ont engagé Gus Van Go qu'ils ont rencontré à cette occasion. Et l'ami Gus, lui, il est venu avec son collaborateur, son ami Werner. Ce qui fait que le duo, eh bien, de deux, ils sont passés à quatre. Cet album, en fait, marque le début d'une nouvelle ère pour White Horse. Les influences extérieures commencent à se faire sentir de plus en plus dans leur musique. Cet album, eh bien, si vous connaissez le premier, c'est un peu plus de tout, un peu plus de tout ce qui fait la musique de White Horse. Je vous donne aussi l'adresse de leur site internet. Non, je ne vous la donne pas parce que je ne l'ai pas. Voilà, ça tombe bien. Ils sont sur le site, ils sont signés par le label Six Shooters Records. Donc vous allez sur l'album, il faut vraiment se reposer un coup. Hein. Sur le site du label sixshootersrecords.com et là, vous les trouverez. On va vous mettre aussi la vidéo du morceau Sweet Disaster qu'on écoutait en début d'émission. On vous la mettra sur la page Facebook de Planète Indie. Et nous, pour l'heure, on écoute donc ce second extrait. Voilà, on remet tout en ordre, ça va beaucoup mieux. Le morceau s'intitule The One I Heard. C'est notre powerplay aujourd'hui dans notre Planète Indie. L'album s'appelle Leave No Bridge Unburned et le groupe c'est White Horse. Powerplay. Powerplay. Oh,

warm July, as good as any other day, I suppose, to just let go and die. And no, I didn't really know you well, but you always seem so kind. And now you've left your sweet Mary and your mandolin behind. Ancient rhyme, bullfrogs, bow and bass, lightning bugs and shooting stars way out in space. You fought your war, you loved your wife, you raised your family, and now you're strumming sweet and low in a land that we just can't see. Music in the morning breeze, in the dancing dying leaves up in the trees, and a sinner sobbing hard on bended knees, and a savior hurt by every secret sin that he sees. Oh, a savior loving every broken soul that he frees. Clear day, starry night, in this warm July, as good as any other day, I suppose, to just let go and die. And no, I didn't really know you well, but you always seem so kind. And now you've left your sweet Mary and your mandolin behind. You've left your sweet Mary and your mandolin behind. On écoutait David Macy, Song for Orlan, et avant cela, c'était pas Octobre Rouge, mais c'était Septembre Rouge, September Red, avec Willie Bo Walker. On va poursuivre notre petit tour du monde ce jour, puisqu'on a commencé par la Nouvelle-Angleterre et Boston. On a été du côté de la Suède, on a été en Ukraine, on a été en Égypte, et on a été encore dans d'autres endroits, en Italie et aux États-Unis. Eh bien, on va aller en Autriche maintenant, si vous le voulez bien, avec une autre nouveauté, un artiste qui s'appelle ACG, oui, simplement ACG, et il nous chante Tuesday, mardi. Ben, mardi, c'est dans 3 jours. Et puis après, ce sera les Warhead Rising avec le morceau Turn You On. Thank you. Voilà, c'était les Warhead Rising et le morceau Turn You On. Voilà. Retour sur notre album Powerplay pour la troisième et dernière fois aujourd'hui. Quels sont les thèmes abordés dans, on va dire, cet album ? Eh bien, il y en a principalement trois qui se dégagent, trois thèmes qui influencent beaucoup la musique et les paroles de Whitehorse. Il y a tout d'abord le sud des États-Unis et l'Amérique centrale, le Mexique. On retrouve notamment ça dans la plage d'ouverture qui s'appelle Baby What's Wrong, ou encore le morceau You Get Older où on entend des trompettes mariachi. Voilà, ça c'est un des thèmes. Un deuxième qui les inspire beaucoup, c'est la vie dans les villes, bah oui, et notamment la ville de New York qui n'a pas les villes de New York pardon et de Toronto qui ne cessent de les interpeller, de les inspirer. Il parle notamment de la solitude de vivre en ville. Et puis il parle aussi de la ville par opposition non pas à la campagne mais à la périphérie des villes, aux banlieues. Et puis un autre thème évidemment, c'est l'amour. C'est un thème qu'on retrouve notamment dans la chanson qu'on a écouté, le premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Sweet Disaster. On vous a mis d'ailleurs la vidéo officielle de ce morceau sur la page Facebook de Planet Indie. Un morceau de style rhythm and blues des années 60, ainsi quelques inspirations de thèmes bondesques, on pourrait dire, puisqu'il y a quelques sonorités qui ne dépareilleraient pas dans une musique de James Bond. Et cette chanson parle notamment du désir d'un homme riche, eh bien, d'envoyer un couple vivre sur Mars. Il me semble que... au cinéma on en parle, c'est pas un couple mais il est tout seul, mais c'est un peu le thème d'un film du moment. Allez, nous on va écouter un troisième extrait, ça s'appelle Downtown. Et bien justement, on parlait justement de ce thème des villes et de la vie en ville. Le morceau Downtown, et bien il fait référence à un scandale qui a eu lieu à Toronto au niveau du maire. Ça a été un sacré cirque médiatique et puis un sujet de gêne au niveau international. Voilà, pour ceux qui se rappellent l'histoire de cet épisode. Ça s'appelle Downtown, cet extrait de l'album Leave No Bridge Unburned du groupe Whitehorse. Et puis c'est notre Powerplay dans Planet Indie ce soir. Powerplay. Powerplay. I'm living down. c'est la musique planante du groupe Aitopus, extrait de leur nouvel album aussi. Bah oui, il n'y a que des nouveautés en ce moment dans Planet Indie. L'album s'intitule When, c'est le projet de Brian Hughes et on écoutait le morceau Sage ou Sage en français. Puis on va profiter de la fin de ce morceau pour passer en revue la programmation de la Rocale d'ici à la prochaine émission. Ce soir, il y avait normalement Supertramp qui devait venir, bah c'est annulé. Il y a... Si, c'était bien ce soir. Par contre, vous pourrez... Bah non, vous ne pourrez pas aller voir Chili Gonzalez et le Kaiser Quartet puisque le show est complet. C'est organisé par et à la Philharmonie de Luxembourg. Ce soir, eh ben, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi le festival Greetings from Belgium avec notamment Roscoe, Pan, NITT, Anita. Le 8 décembre, Benjamin Clémentine, le 11, Nar ou Nash, le 12, il y a notamment l'atelier Beatbox and Beyond Loop Games, et puis le soir, vous pourrez voir au club Chic versus Shock. Le 12, il y avait notamment prévu Marco Paolo, c'est annulé aussi. Le 13, vous pourrez voir Lord of the Dance, voilà. Le 15, c'est Jane. Ensuite, ça se calme tout doucement puisqu'on a le Step and Beats le 19. Le 20, vous aurez Youssoufa. Et puis pour le mois de décembre, ce sera tout puisqu'il y aura une petite trêve des confiseurs au niveau de la programmation de la Rocale. Ça reprendra en janvier. Tant qu'on est à parler de janvier, nous, notre prochaine émission se tiendra le samedi 2 janvier. Bah oui, il faudra être sobre le samedi 2 janvier donc. Pour l'épisode numéro 368, il nous reste encore un peu de musique à écouter. On va le faire tout de suite avec le groupe Tes Yeux Rouges et un morceau intitulé Destination. Hey, this is Mendel Beach Markets and you're listening to Planet Indie. Bienvenue dans nos flammes, attisées par les dead floor. Bienvenue dans nos flammes. Bienvenue dans le son du sort. Communauté d'appartenance, ta différence. Communauté d'appartenance, ta différence. Ta différence. Destination, voyage à travers nos certitudes. Éducation, voyage avec nos habitudes. Itinéraire, à construire dans l'errance. Erreur encore à faire, sans importance. Acte téméraire, ouvert à la chance. Nos colères se transforment en jouissance. Nos cohérences traversent toutes les croyances. Nos apparences, invitant vacances. Communauté d'appartenance, ta différence. Bienvenue dans nos flammes, attisées par la vie. Bienvenue dans nos flammes, elles nous différencient. Bienvenue dans nos flammes, moi j'allume ma partie. Nos cendres ont un programme, c'est le feu qu'elles copient. Sur nos routes, des départs et des arrivées, tous nos doutes rencontrent des vérités, nos complices, moyens de locomotion, nos caprices, carburant pour l'action, situation, le mouvement en cadence, direction, vers la connaissance, communauté d'appartenance, la différence. Bienvenue dans nos flammes, attisées par la vie. Bienvenue dans nos flammes, elles nous différencient. Bienvenue dans nos flammes, moi j'allume ma partie. Nos cendres ont un programme, c'est le feu qu'elles copient. Bienvenue dans nos flammes, attisées par les dance floors. Bienvenue dans nos flammes, bienvenue dans le son des sorts. Communauté d'appartenance, ta différence. Voilà, ça s'appelle Tes Yeux Rouges et le morceau c'est Destination. 17h24 minutes, et ben voilà, on arrive tout doucement au terme de la programmation de cet épisode numéro 367 de Planet Indie. J'espère que vous avez passé un bon début de soirée, que vous avez apprécié la programmation musicale. Il nous reste un morceau à écouter, ce sera Alva Nelson, un morceau qui s'intitule Soul Eyes. Vous allez voir, c'est tout en douceur, on s'en va sur la pointe des pieds, on laisse filer l'année 2015 et on saluera bientôt l'année 2016. J'espère que vous serez nombreux à nous être fidèles aussi l'année prochaine pour de nouvelles aventures. On recommencera donc le samedi 2 janvier avec l'épisode numéro 368 de Planète Indie. Et puis on continuera toute l'année, chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Je vous rappelle aussi que cette émission est rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence, ainsi que sur Internet. Et puis, vous pourrez aussi retrouver le podcast de l'émission immédiatement, dès qu'il sera disponible, donc d'ici quelques minutes, sur notre site Internet. Vous tapez Planète Indie dans Google et puis vous y arriverez, il n'y a pas de souci. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée, enfin une bonne soirée pour commencer, de bonnes fêtes de fin d'année, de bons réveillons, et on se retrouve donc en 2016 pour de nouvelles aventures. Allez, on laisse la place au piano d'Alva Nelson. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est tout en douceur, ça va changer un peu. Dans ce monde de brut, ça va faire un peu de bien. Alva Nelson, Soul Eyes. Rendez-vous donc l'année prochaine, le samedi 2 janvier, à bientôt. Thank you.